peu maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Kaaris. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Kaaris, c'est maintenant sur Skyrock. Bonsoir, bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir Kaaris, comment ça va? Wesh Fredo, bien ou bien? Est-ce que tout se passe comme prévu? On est là frérot, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu? Ouais. Numéro 1 des ventes? Ouais, mais ça c'est tout le monde ça, quand le jour de la sortie. Ah ouais, c'est vrai que t'es toujours aussi, aussi humble par rapport à ça. Non mais c'est la vérité. C'est vrai? Ouais. Ça fait toujours plaisir quand même. C'est vrai. Numéro 1 en téléchargement. Ouais. C'est sorti aussi aujourd'hui en physique, hein, pour ceux qui aiment bien avoir le support, le CD. Ouais. C'est le deuxième album pour Kaaris, le bruit de mon âme. Deuxième album solo, le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme, comment tu te sens? Je suis à l'aise. Bien? Ouais, je suis sur un petit nuage. T'es content? Ouais, je suis content. Du taf que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il était compliqué à faire justement celui-ci par rapport au premier? Ouais, c'est l'album le plus difficile. Bah souvent on peut dire oui, c'est un album de maturité, etc. Ouais, mais ça c'est les mythos des mecs qui arrivent à la télé. Non, c'est l'album le plus difficile parce que les gens vont avoir tendance à le comparer au premier. Il faut toujours donner plus et puis c'est là où tu t'assois vraiment quoi. Il a été faussé dans des conditions, on se rappelle que c'était une année aussi compliquée, t'as été attaqué de toutes parts cette année. Attaqué de partout. Ça c'est, mais t'y attendais, sur internet et compagnie, ouais. Donc j'ai dû. Tu t'y attendais parce que dans les morceaux que t'as écrit et notamment où tu disais voilà quand tu cartonnes, on va tout de suite te taper dessus forcément. Et puis si ça marche pas, là c'est pour le coup tout le monde va te lâcher, les médias, la presse, etc. Tout le monde va te lâcher. C'est exactement ça. Mais en fait c'est pas que je m'y attendais, c'est que je suis dans la rue, je suis dans la street, donc j'entends les gens parler, j'entends les gens raconter leur fucking life. Et voilà quoi. Donc je suis au courant que je suis au courant. Il a été fait dans quelles conditions? Bien quand même en sérénité quand tu rentres en studio pour les morceaux, ou il y avait des moments où t'étais plus. Il y a des moments où j'étais plus chaud que d'autres. Plus chaud que d'autres. Dans le refrain de Mentalité Kaira, j'étais un peu fou. Il y a des moments où j'étais plus chaud que d'autres, mais je suis toujours chaud. Bah je vois ça. Toujours chaud, j'ai la niaque, j'ai faim, j'ai envie de tout niquer, j'ai envie de tout grailler, j'ai envie d'être le meilleur, je suis un compétiteur. Tu as appris à sourire devant ta glace, donc a priori voilà, sur le deuxième. Non. Je te fais des petits sourires. Tu fais des petits sourires, c'est vrai qu'il y a des grands petits sourires par rapport au premier Planet Rap. Voilà. Donc je suis décontracté, je suis bien. Bon bah tant mieux. En tout cas, c'est un bel album qu'on va découvrir cette semaine avec évidemment le binôme, il y a Thérapie aussi qui a été important, on en parlera je pense durant cette semaine sur la construction de cet album. Et pour mieux rentrer dedans, pour ceux qui l'ont pas encore, il est sorti aujourd'hui. On a préparé un petit medley de cet album Kaaris, okay, qui reprend tous les morceaux sortis aujourd'hui du bruit de mon âme, et ça donne ça. Planet Rap. Ce soir Planet Rap Kaaris. Longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon âme, ou écouter le bruit de mon âme, puisque l'heure n'est plus à la fin. Fuck Tony, fuck Sosa, fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Fuck Tony, fuck Sosa, fuck Pablo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo, viens dire bonjour à El Chapo. Viens dire bonjour à El Chapo, viens dire bonjour à El Chapo. Le temps c'est de l'argent, mets de la coke dans ton sablier. Le temps c'est de l'argent, mets de la coke dans ton sablier. Bicarbonate découpe le rap, c'est froid des gouttes de sang sur mon tapis. Planet Rap. Dans mon 80 de trait, mon 80 de trait. Mon 80 de trait. Mon 80 de trait. J'suis dans mon 80 de trait. Y'a la drogue, y'a des armes, c'est le flou. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Magnum, 357 Magnum. Litron de sirop de Magnum. Porsche Cayenne Turbo Magnum. Avale ma glace comme un Magnum. Planet Rap Kaaris. J'veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. Ou dans des putains de boyaux. Comme des putains de cailloux. J'veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. CRF en tout. Planet Rap. Planet Rap. Mentalité Kaira. Mentalité Kaira. Dans la précarité, né dans la sociabilité, grandi dans la brutalité, bandit dans son intégralité. De cette mentalité Kaira. Mentalité Kaira. On maîtrise la situation. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Les les jaloux font ce qu'ils peuvent. On maîtrise la situation, méga maîtrise la situation. Qui on va m'attendre sur l'autre rivage? Je ne suis que de passage. Méchant que mon message se transforme en plusieurs visages. Honorable mon parcours, tu peux bien me flatter. On y partout, mais je veux rien rater. Planet Rap. Planet Rap. Que les femmes adorent baiser, mais elles n'aiment pas se faire baiser. Dès que mon nom est prononcé, l'atmosphère est lourde de menaces. Un chat dans ma besace, enculé de sa race et de nasse. Je veux juste que les billets s'empilent. Ma bague sur le micro s'enfile. Je veux malaxer, je veux malaxer. De la C, même frelater. Je vais la bazarder. Le choc de l'ombre, jusqu'à Tripoli. Dans mon monde, c'est Kadhafi. Je ligne pour moi et ma peine. Comme si j'étais Gucci Mane. Comme si j'étais Gucci Mane. Bombardier noir dans la Audi. Car la chabonne est Reders. Original et le Audi. Nique sa race à tous les haters. Planet Rap. Que tu twerk, que tu twerk, que tu twerk, que tu twerk, que tu twerk, que tu twerk. Gros billet sur ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul. N'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. Je ne suis qu'un voyage. What the fuck, these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young, don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' play. Ok, tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Carrie sur Skyrock. Voilà, pour rentrer dans l'album ce medley. C'est lourd ce que vous avez fait. Le bruit de mon âme à l'instant. C'est un truc spécial pour moi ou bien c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour toi. Ouais. On reçoit pas, attends, à moins que ce soit un autre album, mais j'ai l'impression que c'était le tien qu'on écoutait en tu medley. Tu sais que tu reçois le patron, hein, tu le sais. Hein. Ah écoute, il est là, en tout cas il se positionne en tant que patron, Carrie. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Non, en fait, tu te rends compte que. Là, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait des gros sons. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Et il y a un petit peu tout, évidemment. Il y a toujours des go-trips, hein, ça, c'est toujours ton écriture. Mais j'ai mis deux, trois petites pincées de zone de transit. Et il y a des morceaux comme zone de transit, comme le morceau avec Blacko aussi, qui est voyageur. Voyageur. Ouais. Le bruit de mon âme aussi, qui est un morceau où tu te livres d'ailleurs encore un peu plus, parce qu'on l'a souvent comparé à Or Noir, mais je trouve qu'il est encore plus. Au niveau de l'écriture, je pense que. Oui, il est plus profond. Je pense que j'ai été plus profondément. Je suis descendu plus bas, en fait. Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où t'as eu peur sur cet album? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit. Est-ce que je vais réussir à réitérer le coup? Est-ce que. On a toujours des doutes. Tu sais, rien n'est jamais acquis. Donc on se remet en question à chaque fois. Mais peur, non. Non. Non. T'as foncé? Toujours. Il a été fait en combien de temps cet album? Je saurais même pas te dire. On a fait en combien de temps le double? On va saluer Thérapie qui est là aussi. Salut, hein. Salut. Ça va bien? Ouais, impeccable. Donc on l'a fait après la réédition. Hein, on a commencé un petit peu tranquillement. Donc on l'avait sorti au mois de mars, la réédition. On arrive un an plus tard avec l'album. C'était un petit peu comme ça. Hein. Ouais, c'est en ça. Un an. Hein. On va dire ça. Toi aussi, t'es content justement de l'évolution de votre binôme, hein, parce que c'est vrai que c'est une équipe aussi sur cet album. Ouais, c'est une équipe. T'as vu, moi je me mets à sa disposition et puis pour que les choses se passent bien. Et donc on est content de l'album. Nous, comme on a dit, de toute façon, on fait pas de la musique, on fait de la musique aussi pour gagner de l'oseille, comme tout le monde, tu vois. Mais c'est pas le premier but. Le but, c'est voilà, que nos potes y kiffent, que la tête, elle est corda. Tu vois qu'il y a du monde dans le studio, les mecs nous soutiennent. Voilà, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça l'aventure. Et si vous pouvez pas tous venir dans le studio, hein, n'hésitez pas. Écoutez à la maison, on va mater les images sur Skyrock FM. Venez nombreux. Dites-nous un petit peu, tiens, vos morceaux préférés, puisque c'est sorti aujourd'hui, donc il y en a plein qui l'ont acheté déjà, Le Bruit de mon âme. Quels sont vos morceaux préférés? Dites-nous aussi si vous préférez Or Noir à celui-ci, Le Bruit de mon âme. A priori, moi j'étais matin un peu les réactions, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Je vois 2-3 messages qu'on a pu relever, là c'était il y a quelques heures. L'album de Carice, c'est un diamant brut. Nouvel album de Carice, il est archi lourd. Carice, c'est toute mon enfance. Ah, chic. Toute son enfance. Son enfance. Peut-être qu'il a 5-6 ans, je sais pas. Ouais, sûrement. Le morceau le plus sous-estimé de Carice, c'est comme Gucci Mane, c'est un son de fou. Oh, je trouve pas qu'il soit sous-estimé celui-ci. Non, il est pas sous-estimé. C'est un des premiers morceaux balancés en tout cas. C'est un des premiers morceaux balancés, c'était pour annoncer la hargne et la rage. Je continue à en lire hein, et je te jure, on a pris vraiment tout ce qui venait, donc on n'a pas fait non plus un tri juste pour flatter. Antonin qui dit le rap français de nouveau à terre, Carice a frappé fort, très fort, je dirais même. J'aime bien Antonin. C'est un bon gars, lui. C'est un bon gars, Antonin. Ouais. Carice, il me surprend sur l'album du changement, ça fait du bien. Voilà, il y a plein de messages, j'essaie d'en trouver un. Est-ce qu'il y en a un peu moins Non, on parle de Kadirov aussi. Mon frère qui déteste le rap français et tous ses rappeurs, il chantait Kaaris, Mentalité Keira. Il m'a dit qu'il kiffait. Si, si. Donc voilà, c'est les réactions. Continuez d'ailleurs à réagir avec le hashtag Kaaris sur Skyrock. Vos morceaux préférés, allez-y. 41759 aussi via SMS. On va débuter avec un morceau, le fameux featuring. Ça, j'ai l'impression que c'était quand même un tournant celui-ci. Ouais, ça a été un tournant. Quand il est arrivé celui-ci. C'est un tournant de. Bah, de toute façon, c'est un tournant dans une carrière, hein, de faire un feat comme ça avec un artiste comme ça. Et ça a été un tournant aussi au niveau de. Comment t'expliquer ? Tu vois ce que je veux dire, la promo de l'album, je veux dire, le lancement de l'album, tu vois, ça a été un tournant. Bah oui, parce qu'il y avait déjà des morceaux qui arrivaient, il y avait eu Sevrac, il y avait eu comme Gucci Mane. Ouais, exactement, si comme Gucci Mane. Il y avait eu 80 The Trey. 80 The Trey. Voilà. Et voilà. Et à un moment est arrivé ce featuring avec, avec Future. L'OVNI est arrivé. Ou d'ailleurs, tu étais attaqué dessus parce que. Tout de suite, ça a réagi. Je fais partie de ces artistes, avant de balancer un truc, les gens, ils. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite ils disent ça va être pété, ça va être ceci, ça va être cela. Ils sous-estiment direct. Après, dès quand ça arrive, ils se prennent une baffe dans la gueule et ils disent plus rien. C'est ce qui se passe en fait. Et en fait, il y a eu un article qui est sorti pourri qui disait que Future avait dit je sais pas quoi, alors qu'il ce qui était faux. Ouais, mais en fait, ils l'ont pas marqué que c'était faux sur l'article. Mmh. Donc les gens ils ont cru quoi. Finalement, ils ont vu le clip, ils ont vu le travail qui a été fait. Bah, je trouve qu'en tout cas, c'est vrai que souvent on a les artistes américains et d'ailleurs, bah tiens, tu faisais référence à 80 The Trey, mais je me souviens d'un ASNTM, Affirmative Action, ouais, qui avait été un morceau très pénible à enregistrer. Joey Starr le racontait d'ailleurs dans son bouquin où il disait que les mecs l'avaient pris de haut, que c'était insupportable, même le tournage du clip. Là, j'ai en tout cas l'impression quand j'entends le morceau, quand je vois le clip, que Future est venu avec. Non, là, c'était un vrai partage en tout cas. C'était très facile. Franchement, c'était. Je sais pas comment c'est passé pour les autres, mais là, c'est passé crème, quoi. Le mec qui était là, il a kiffé l'instru de thérapie. Ça, c'est la base du truc. Et il paraît, alors, c'est dans une interview, tu dis qu'il voulait plus arrêter de rapper, en fait. Ouais, il rappait, il s'arrêtait plus. Même nous, on comprenait plus, on a cru que le morceau allait faire 8 minutes. Et il a dit l'instru, elle est lourde, et il kiffait l'instru, en fait. Donc, il a kiffé la vibe. On était là, on a discuté, on se montrait des vidéos. Et puis on a fait le son, après on a fait le clip direct derrière. Et bon, l'écoute, ce morceau, il est sur l'album Le Bruit de mon âme avec Kaaris. Le Bruit de mon âme, poteau de CZ2RO. Et le morceau, c'est Crystal sur Skyrock. Yeah. Put your hand just fire, march your future to wherever, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. Oh, I ain't gonna trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfucker, they police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. Nigga shootin' that police. Je me devais de l'écalage ni coffé. Je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balayer ton trait, tu pas ton tepo. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé et tu smurferas. Cristal que crash, mélange dans la cuisine. Deux implants au legging, sur le siège chauffant. Ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. Je fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. Je prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rires. T'es ébloui par mes prénoms. La gifle te donne le sourire. I want you these bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the perp in the chill. My young nigga. Dans le bunker comme Oussama, Psycho Gun, Rayon Gamma, tout droit, direct, comme Otama. En même temps que ma Jordan annonce Bougama. Depuis vendeur de nana, organisé comme le Fatah. J'ai fourraille tous ces bâtards, je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. J'fais du liquide, de la monnaie. J'passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, VTTF, Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la panoplie. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't try no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. What the fuck, these police nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. What the fuck, these police nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Don't care no sticks around none of these bitches gon' tell. My young nigga. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple, got the kill. Seven breaks on day like Jack Chain. Got them hoes on day like shoe screen. Put a brand new lamb on shoe screen. I was got a head nigga on Duke. Got a whole lot of auto-tune, none of no T-Pain. 36 O's in a whip, no keychain. Young kid, white bitch, immigrant nigga. Got a rich nigga, hang with penitentiary nigga. Motherfuck the fed. Fuck Illuminati. Nigga, we ain't scared. This a kamikaze. All them more bitches, all them more bottles. We doing this shit, we might not see tomorrow. 200 bitches from Paris on my timeline. Them I done went all the way this time. Trade a nigga like a one of a kind. Diamonds hanging, I'm in Sierra Leone. Fuck a rich nigga, that what you want. I don't fuck a rich nigga, that what you want. Ice and spade and fuck, so that's what we own. These niggas tryna bite me, know they some clones. Duck your mind and mix it all on them. These Persian bitches know they I don't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. There you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Motherfuck these police nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Don't care no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple, the pills. My young nigga. C'est un gros morceau celui-ci, hein, avec ouais, Future. Ouais, hit banger. Direct Crystal, dans leur côte. À l'instant, ouais. Celui-ci, le morceau. Tu sais, quand on a posé ce morceau, qu'on a fini, on écoutait le son en boucle, même quand il est parti, tu vois. On écoutait le son en boucle et on se regardait, on était morts de rire. On savait qu'on avait fait un strike. Et tout a été fait rapidement en fait avec lui. Hein, tout parce a été fait le même jour, en une journée. On a le clip, l'enregistrement. Morceau, clip, tout. Et le mec bien, donc bon état d'esprit. Ouais, franchement, bon état d'esprit. En tout cas, c'est ce qui m'a fait croire. Hein, tu vois. Oui bah après. Moi j'ai cru que c'était après, mon poteau. C'est ton poteau au moins pendant la journée d'enregistrement. Voilà, exactement. Après les Ricains on connaît. Hein. Tu connais. Voilà. Ils sont là, un coup ils sont ailleurs. Il a pris ce qu'il avait à prendre, il est parti frérot. Mais il a réussi quand même un très bon son, ça c'est vrai, il faut aussi reconnaître. Beaucoup, ouais. Parce que toutes les collaborations n'ont pas été réussies entre les Français et les Américains. C'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'elles sont difficiles d'après ce que j'entends, mais là. Pour moi, c'était bien. Alhamdoulilah, frère. Le morceau s'appelle Crystal, vous le retrouvez sur l'album. Il y a aussi une box collector, je l'ai là dans mes mimines. Magnifique. Mappé Chota Diba Box. Ouais, il en reste plus beaucoup en plus. Ah, est-ce qu'il paraît, il en reste plus beaucoup. Uniquement à la Fnac. La box collector, il y a quoi? Il y a t-shirt, il y a l'album qui va avec. Il y a tout dedans. BTT. Volant de voiture, des jantes, il y a tout dedans. Putain, je me dis, c'est pour ça qu'il est lourd. C'était le son, mais non, c'est les jantes en fait. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Le bruit de mon âme, Caris, sinon. Je suis pas cordin, le son aussi, il est lourd. Et le son aussi est lourd. Ouais. Regarde, j'ai enlevé les jantes exprès. Ça reste encore lourd. Le bruit de mon âme à découvrir cette semaine entre 20 et 21. On va faire un petit tour sur le net, ce qu'on a pu voir. Et tu nous dis vrai, faux, tu détailles ou pas comme tu veux. Vu sur le net, vrai ou faux, tu n'habites plus à Sevran. On s'en fout. D'accord. Non, je dis ça parce qu'il y a évidemment, c'est aussi pour revenir à tout ce qui a pu être critique ces derniers temps sur toi en disant mais il est plus là, on le voit plus, machin, etc. Tu sais, je vais te dire un truc. Déjà, les mecs qui parlent, ils vont se faire enculer par leur cheval, j'en ai rien à foutre. Par leur cheval. Voilà, par leur cheval. Ils vont se faire enculer, tous ces pégases là. On n'a jamais vu un de ces négros sur un cheval. Merde alors. Bref. Tu vois, à 30 piges passées, si t'habites encore dans ton quartier, frère, c'est chaud. Ça veut dire que les mecs de mon âge, ils sont plus dans ce quartier là. Tu vois ce que je veux dire? Ils reviennent juste pour tenir entre guillemets le coin. Mais ça n'empêche pas d'avoir des potes. Ça n'empêche pas d'être là. Ça fait 1000 ans j'habite à Sevran. Ça fait 1000 ans je suis à Sevran et je serai toujours à Sevran. Vrai ou faux, ça t'énerve quand on te demande pourquoi tu as mis le maillot de l'équipe de France bien sûr que ça dans m'énerve. Le clip Le bruit de mon âme. Bah, bien sûr que ça m'énerve. On dirait que c'est un chinois comme il est. Bah non, mais il y a des chinois français aussi, qu'est-ce que je raconte. Je suis un français donc j'ai mis le maillot, ouais, je suis pour l'équipe de France moi. Mais c'est vrai que c'était. Ouais, moi aussi ça m'a halluciné en fait. On a l'impression que maintenant, on a l'impression qu'en plus le maillot, le drapeau, ça peut être réservé qu'à l'extrême. Et j'ai même le. Ouais, mais ça c'est pas bon, faut pas avoir ça, c'est pas bon, ouais. Impressions. J'ai même le dernier, tu vois. maillot d'équipe de France, je les ai tous. Oui, puis tu l'as toujours dit, même si en effet tes origines sont de Côte d'Ivoire. Ouais, je suis français. Mais t'es français avant tout, quoi. Ouais, je suis français, je ferme les yeux, je marche sur Paname, je marche dans le 18ème, je marche partout. J'ai l'esprit français, j'ai la vocation, je suis français à 100%, frère. Caris avec nous entre 20 et 21. Tu connais cet hymne? C'est l'hymne Côte d'Ivoire. C'est l'hymne de chez moi, frère. Et ça, c'est pour illustrer un vue sur le net. Donc tu vas retourner en Côte d'Ivoire le 15 mai, il me semble. Le 15 mai, pour un gros show au Palais de la Culture. J'espère que tous mes frères sont là et qu'ils vont me soutenir. En tout cas, je vais venir pour une union. Ça va être la fête, quoi. Est-ce que ça te rend un petit peu anxieux, justement, le retour? Ça sera déjà la foule, ouais, bien sûr. C'est la première fois que tu vas jouer, en tout cas. Hein. Exactement, c'est la première fois. La première fois, donc j'y vais avec la arme, tu vois ce que je veux dire? On va faire très très mal. Bon, vrai ou faux, pour toi, le rap devrait être un moyen de rassembler les personnes et non pas les diviser? Ouais, le rap, ça doit rassembler, parce que la musique, ça rassemble. Il y a des gens qui écoutent des morceaux de musique qui pleurent. Donc c'est des sentiments profonds, tu vois ce que je veux dire? Le rap, ça doit rassembler. Après, c'est pas parce qu'on est des mecs de la street et des mecs de la rue qu'on doit mal se comporter ou donner une mauvaise image, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis quoi? Faut que ça cesse. Tu sais, le mec a un problème avec toi, il t'appelle, frère. Il y a toujours moyen de trouver un numéro. Est-ce que tu regrettes d'ailleurs? Bon, on peut l'aborder rapidement. Et la vidéo que t'avais faite justement à l'époque avec les clashs Booba, etc. Où cette vidéo-là, je la regrette pas. Jamais, tu je la regrette. Tu devais boire le sang. Je la regrette pas. Mettre différentes choses dans les. Non, cette vidéo-là, je la regrette pas, frère. Elle est faite, elle est comme ça et ça devait être fait. Est-ce que c'est pas justement un coup, une pulsion et te dire après? Ouais, voilà, mais t'as vu, c'était une réponse, frère. Fallait que je réponde au bout de nombreuses attaques, de nombreuses gamineries, fallait que je réponde. Et là, c'est fini, hein. C'est fini, toi, tu veux passer à autre chose. Pour ma part, c'est fini. C'est fini, mais après, t'as vu, si t'as un problème, tu viens me voir, quoi. Direct. C'est tout. Bon, cette semaine, on va essayer de se concentrer uniquement sur l'album. Vas-y, on va se concentrer sur l'album, c'est bien. Tu nous as promis un freestyle, donc j'espère que le freestyle ne fera pas autant de bruit que, ou peut-être, dans un autre genre. Le freestyle va être très lourd. C'est vrai, il va être lourd. T'inquiète pas. Ce sera tout à l'heure avant 21h. Un petit dernier, vu sur le net. Il paraît que tu apprends beaucoup les scores de ta première semaine. C'était dans l'interview de nos amis de Bouscapé qu'on salue. J'appréhende tous les scores. C'est vrai. Et je rêve toujours de faire le meilleur score. Après, maintenant, une fois que t'as fait le CD, tu vois, il t'appartient plus. C'est au public de décider. En tout cas, moi, j'ai fait le taf, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et l'album, il est lourd de fou. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a une vraie fierté. Il faut l'écouter, faut s'en jaillir, faut kiffer, faut se le faire partager. On s'en bat les couilles, quoi. Et il y a beaucoup, beaucoup de réactions de l'indigno aussi, hein. Vos morceaux préférés, 41759, allez-y avec le hashtag Carré sur Skyrock. On a peut-être le temps d'en passer un maintenant. Tu veux qu'on mette quel morceau de. On va commencer direct avec Kadyrov pour annoncer la couleur. Ah, Kadyrov. Voilà. Ça, c'est le morceau qui ouvre l'album. Bah, on va en parler après, on le balance. Ramzan. C'est parti, Kadyrov, c'est extrait de ton album. Le puis, on rappelle, on rappelle qu'à la Fnac aussi, il y a un coffret collector pour Caris avec le t-shirt qui va avec. Je peux te faire du sale, faut que tu médites. Qui est venu pour me caler? Qui veut me stopper cette année? Cette balle tringue n'est pas née. Sa fleur anale va faner. Gros cul maudit. Et les aime à la folie. Scientifique au chromie. J'ai connu des moutons comme Dolly, Dolly. Tu ressembles à mon tiné. Qui finira par se faire piner. Dans l'argenté de Guinée. Tu connais ma lignée. Moi j'essaie de prendre des sous. L'industrie veut prendre son coup. Elle essaie d'avaler le tout. Comme si ma biche avait bon goût. Pose ton flingue à terre, laisse ton verre en l'air. Surtout pas de stress, bitch y'a de la cesse. Oui y'a de la cesse, ça vient de la tête. Applaudis des fesses, applaudis des fesses, bitch. Ça sent le bédo. Passe-moi le bédo. Passe-moi le fuego. J'affume comme Quebo. Tire au mortier. Il n'y a plus de portier. Kalashnikov. Ramzan Kadyrov. Que du vieux rein neuf. Je viens pas à ta teuf. Sauf si un suicide d'un keuf. Ou pour mettre des doigts à ta meuf. Alcool dans la jogorde et pillé sur ton corps. Je n'ai plus de ce fort. Pour qu'elle monte sur mon bord. Je lui mens tellement fort. Je n'ai plus de remords. Je suis l'élu comme Néo. J'ai des pistes et des pistes. C'est pas belle Annie. J'étais sous le préau. Je n'ai mis des pénalties pour des carpanini. Je sais comment faire. Je fais d'étoffer des autographes. Tu mets des commentaires. Tu fais des fautes d'orthographe. Approche tes brelets. Je vais y mettre du labello. Maîtrise la langue de Molière, mieux que maître Capello. Ma dope est illicite, les petits me plébiscitent, les gros me félicitent, Yankee se précipite. Passeport derrière les barrières, seuls les oiseaux passent les frontières. J'suis dans le maquis, les eaux, les opères. J'suis dans le kaki, les géos, les géonaires. J'débarque, j'obscurcis ton ciel bleu. J'fais ce que j'veux. Ce rap est mon putain de terrain de jeu. Kim Jong 2. Extrait de l'album Le bruit de mon âme à l'instant, Kadyrov. Kadyrov, la puissance. Il est né comment ce morceau? Tu regardais un reportage, c'est ça? Ouais, je regardais un reportage de Ramzan Kadyrov. Ouais. Donc Kadyrov, c'est le président tchétchène, hein, pro-russe. Ouais. Et donc voilà, j'ai pris une claque dans la gueule par la puissance. Mais dans quel sens en fait? Parce que. Il n'y a pas de jugement, ni en bien ni en mal, c'est la puissance, c'est tout. Je cherche pas à. Bon. Ça c'est des trucs de géopolitique, je suis pas un prof moi. Non, moi non plus, mais après je suis pas sûr que le peuple en Tchétchénie soit super heureux non plus. C'est un Kadyrov au pouvoir, mais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de jugement. Mais c'est vrai en que fait, nous. Sans jugement, c'est on une a une vision de... très occidentale aussi. Voilà, très occidentale de ce qui se passe autour. De ce qui se passe ailleurs, c'est et parfois. Vraiment histoire de annoncer l'album avec un nom fort et qui présente la puissance du CD. Quoi. Ouais, et c'est l'ouverture de l'album d'ailleurs. Exactement. Tu l'as envoyé à Kadyrov ou pas? C'est un gars qui m'écoute. T'as pas envoyé une petite bagnole en cadeau? Non, il m'a pas envoyé. Lui, il a un sacré parking, Kadyrov. Ouais. J'aimerais bien avoir son parking. Il a un sacré parking. Donc Kadyrov, ça ouvre l'album. Donc celui-ci, il est né, voilà, tu m'as le reportage, t'étais en studio direct après ou? Après, il fallait trouver une instru dans ce style-là. Parce que c'est pas une instru qui frappe de ouf. Il y a une mélodie, tu vois. C'est ça que j'ai kiffé dans l'instru. Ça a été midi, on s'est dit c'est ça. Ça a été long d'ailleurs l'assemblage des différents morceaux sur l'album, de choisir celui-ci en non, ouverture. Ça c'est lui qui s'est. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, hein, tu sais. L'ordre des morceaux, ce qu'on met en intro, tu vois. Tout s'est décidé un peu à la dernière minute. Hein. Après, tu vois, on prend la vie de proche. Puis voilà. Tu vois. C'est un album qui est fourni, hein. Il y a 18 morceaux dessus. Ouais, exactement. Vous en aviez enregistré beaucoup d'autres ou. Ouais, on en avait enregistré beaucoup plus d'autres, mais pas. On n'a pas enregistré 36, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais on a dû en éliminer, ouais. C'est toujours dur, c'est toujours un moment compliqué. Ouais, bah on se discute, tu vois. Il dit pas celui-là, 2R. Je dis celui-là, frérot. Après lui il me dit ouais bah alors celui-là aussi. Je dis vas-y. Ouais. Tu vois, il voulait pas mettre Kadyrov dans l'album. Jamais. Ah tu voulais pas le mettre. Non, c'est un je rigole. C'est lui, il voulait pas mettre dès le départ dans Renoir. Il voulait pas mettre Futur dans l'album. Tu voulais le garder pour toi en fait. Non, je te dis, putain, le mec a tellement déchiré, je le garde en collector à la maison. Non, en tout cas, voilà, tu vois. Ce qui est bien, tu vois, dans cet album, c'est que on s'est pas pris la tête comme le premier en fait, tu vois. Après, c'est sûr que par rapport quand tu sors t'en es à ton deuxième album, t'es obligé de te poser certaines questions, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'il y a le hit qui reste dans le cerveau du mec, tu vois ce que je veux te dire. Comme j'ai pu bosser avec Sefiu à l'époque, quand on parlait beaucoup de Molotov 4, voilà, au troisième album, c'est Molotov 4, vous allez faire un morceau comme Molotov 4, donc là c'est pareil, tu vois, tu vois, donc c'est toujours ce souci-là, pour les gens en fait, mais pas spécialement pour eux. L'erreur, c'est d'en vouloir faire un deuxième. Bah ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, quand t'essayes de repartir sur les mêmes bases, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, donc nous, on se prend pas la tête, on fait de la musique, tu vois, s'il y a un zoo qui ressort, ou du moins un zoo, de toute façon, il n'y en aura qu'un zoo, tu vois, je veux dire, mais s'il y a un morceau qui ressort, il ressort, mais on se prend pas la tête spécialement, tu vois, on essaie de travailler, de kiffer, et on travaille en équipe, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas tout seul, c'est très important, parce que je suis toujours mis en avant, tu vois, par le Thérapie 2093, parce que c'est vrai que je suis le pionnier du crew, tu vois, mais il y aurait pas cet album-là sans Chichi 2031, tu vois, qui est mon binôme. Il n'y aurait pas cet album-là sans Loxon, qui est vraiment le futur du Thérapie, tu vois. Vraiment, Thérapie, c'est le futur, c'est Zaz. Loxon, tu vois. Zaz, gros big up à lui, tu vois. Et sans Zaz, et Banks Beat aussi, qui a fait un titre dedans. Donc, j'ai signé aussi d'autres beatmakers, tu vois. J'en parlerai dans la semaine, tu vois. On est en train de s'agrandir, de faire de belles choses. Et comme je t'ai dit, on n'applaudit pas des mains. C'est quoi la phrase déjà? On n'applaudit pas d'une seule main, tu vois. D'une seule main, ouais. Donc, on est là, on est en équipe, on bosse fort, avec, voilà, en espérant que ça marche et puis que. Bon après tu trouves aussi la cohérence parce que c'est toi qui réalises l'album. Ouais, donc. Bien sûr. Non, comme je t'ai dit, je suis une des barres fondamentales du truc, tu vois. Mais tout seul je peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Réaliser un album, produire, vendre une marque de t-shirt, toujours être prof, assumer mon rôle. Ah, t'es toujours prof, tu continues? À fond, je kiffe. Assumer mon rôle de père. Donc tout ça, je peux pas le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Faut penser aussi à Farid, tu vois, qui est mon bras droit, le manager de Caris, qui a beaucoup apporté dans cet album. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas d'un point de vue artistique, c'est d'un point de vue logistique. Donc voilà, c'est une équipe, tu vois. Même avec Def Jam, on a bien bossé cette année avec l'Animalus. Voilà, donc gros big up à Def Jam aussi. C'est vrai qu'il y a eu un transfert, un mercato, hein. Ouais, tu as atterri chez Def Jam. Ouais, ouais, exactement. Ouais. On devait rester chez Universal. Mais Def Jam, vite fait, ils ont rien foutu. Ouais. Surtout au Mardinho, laisse tomber là. Il sert à rien. Non, lourd, voilà, ils ont fait du taf de ouf. Ils ont fait un taf de ouf. Tous, tu vois, de A à Z, que ce soit Greg, que ce soit Oumar, que ce soit Benjamin, que ce soit Emma à la promo. Donc voilà, c'est une équipe, tu vois ce que je veux dire. Les gens pensent pas qu'on. Benjamin, le Vietnamien. Si, ouais. Donc voilà, on fait pas tout seul, tu vois. Donc voilà, tu vois. Bon, bah, j'ai l'impression avec que le 2-7 aussi, tu vois, le 2-7 c'est l'équipe. On peut voir une partie ici. Et voilà, c'est, on est là, on est ensemble. Oui, 2-7, c'est vrai que tu cites souvent 2-7, 2-7. Ouais, c'est qui 2-7 si 2-7 C'est toute l'équipe, ouais. Avant tout, c'est le département qui veut citer en 2-7, mais après, t'as le 2-7 0 gang. T'as les mecs qui sont là autour de nous. Et puis, c'est pas un gang en réalité, c'est une MIFA, tu vois, on est là, ils se connaissent. 2-7 0 parce que c'est le code postal de Sevran, 93. Ouais, c'est ça. Pour ça. 2-7 0. Pour ceux qui débarquent. Donc c'est pour dire que vraiment derrière cet album, il y a un esprit d'équipe avant tout, tu vois, et pas un esprit individualiste. Et puis il y a les feats qui font que c'est pas individualiste. Et c'est vrai que c'est ce que j'allais dire, j'allais en parler dans quelques minutes, puisque là on va mettre la pub, mais c'est vrai que c'est un album contrairement au premier où là il y a quand même beaucoup plus de feats. Ouais, beaucoup plus de feats, ouais. Donc il y a le feat avec Lacrim, gros big up à mon gars Lacrim. Il y a le feat avec Future qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a le feat avec Blacko. Blacko, ouais. Qui est un très beau morceau. Très beau morceau. Il y a le feat avec Xo et Solo. Donc ça c'est le quartier. Il y a le feat avec 13 blocs qui sont produits par Big Mitch, mon gars d'Échalon. Et bon, on pourra aussi encore l'évoquer durant cette semaine. Ils seront invités dans la semaine aussi, amenés à discuter de leur projet chacun. Chacun va discuter de son projet, ça va faire des feats. On en parlera. Des freestyles. Entre 20 et 21. Jeudi, tu seras au Trabendo aussi, jeudi sur ces blindés, hein. Il n'y a plus de place. C'est une petite salle sympa avant d'attaquer le Zénith le 9 novembre. C'est un échauffement. C'est un petit échauffement. Échauffement. Ah merde, j'irai. Con. Et puis. Mais j'avais une. En fait, non, je dis ça parce que j'avais une question en fait pour repartir avec des places pour justement te voir parce que nous, on a gardé une dizaine de places pour le Trabendo. Ok. On les a mis de côté et j'avais donc une question pour ce soir. Bon, je la pose, elle est cadeau. Quelle est la date du Zénith de Caris à Paris? Tu viens de la dire. Je viens de la dire, donc voilà, allez, ça va se batailler. J'espère que vous avez trouvé. Ouais, je pense que ça va être assez simple. Allez-y, 41759, le hashtag Caris sur Skyrock, vous repartez avec des places pour aller voir Caris jeudi soir au Trabendo. Désolé les gars, j'aurais dû regarder un peu plus tôt cette question. Bon, c'est simple, c'est cadeau. C'est en même temps, c'est lundi, c'est cadeau. L'album, tout se passe bien, numéro 1, donc cadeau. Allez hop. Quelle est la date du Zénith de Caris à Paris? 41759. Et vous repartez aussi avec des box. 9 novembre! Le bruit de mon âme, vous repartez avec les box de Caris. Elles sont dispo uniquement à la Fnac et avec vous cette semaine si vous répondez aux questions concernant Caris. On revient après ça? Ouais, faut. Bougez pas. Il a gagné. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Caris pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Avec Caris sur Skyrock. L'album s'appelle Le bruit de mon âme. Il est sorti aujourd'hui. Nouvel album de Caris dans les bacs avec une box collector qui est disponible uniquement à la Fnac et il en reste très peu. Donc dépêchez-vous. Sinon, l'album c'est un peu partout. On peut en trouver. Il en reste plein. Ouais. Donc allez-y ou alors en téléchargement légal. Je précise, c'est déjà numéro 1 des ventes pour Caris. Le bruit de mon âme qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. On le balance d'ailleurs ce morceau, Le bruit de mon âme. Ouais, direct. Fort. Il est né comment celui-ci et qu'est-ce qui a fait qui donne aussi le nom à cet album? J'ai écouté mon âme. Quand? Un jour au Maroc. C'est vrai? Non mais ouais. Non mais c'est un truc sérieux. Ouais, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a thérapie? Oh, ouais. Toi aussi tu es en contact avec ton âme? C'est ça, j'ai écouté. Non mais t'es croyant, t'es quelqu'un qui croit. Ouais, je crois. Fort, beaucoup. Comme jamais. Fort, c'est vrai. Ouais. Après t'as vu. Je suis loin d'être un sage. Oui, bon, après, ça, t'as après... vu, le propre de l'homme, c'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, souvent, il y a du temps. Et puis, il y a des péchés qui existent. Avec le temps, on va s'améliorer, donc... peut-être. Mmh. Non, bah attends, si il n'y avait que des gens bien croyants et tout, etc. Peut-être que la société serait mieux ou pas, je sais pas. S'il n'y avait que des croyants, il n'y aurait personne, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Mais mais vraiment, t'es rentré en contact plus profond de toi-même. Ouais, voilà. Merde. J'ai écouté. Sans rien fumer, rien nature. Moi j'avais fumé de la léonge. Ah ouais. Ouais, non, mais faut écouter, il faut essayer d'entendre. Le bruit de mon âme, c'est ça. C'est tout ce qui se passe autour. Et le morceau est né?

Il est très très lourd. Et ben on salue Deg Deg. Donc voilà. Qui a réalisé ce clip qu'on peut aller mater toujours. Et il y a aussi une tournée avec Le Bruit de mon âme avec cet album. Exactement. Thérapie, tu veux filer les dates? Ah, tu veux que je les file? Ouais, c'est bien. Tu préfères. Bah là, 2 avril, c'est blindé. C'est au Trabendo, petite salle à Paris avant d'attaquer donc le 9 novembre. C'est pour la réponse, le Zénith de Paris. Exact. Les places sont déjà en vente. Le 10 avril, tu seras à Marseille à l'Espace Julien. Le 11 avril, à Lyon au Ninkasi Kao. 13 avril, à Montpellier au Rockstore. Le 14 avril, à Bordeaux au Rocher de Palmer. Palmer, ouais. Pardon. Merci. 15 avril à Toulouse au Bikini, le 21 avril au Cargo de Caen, le 22 avril à l'Étage de Rennes, 23 avril à Brest à la Carène, le 28 avril à Metz au BAM, 29 avril au Printemps de Bourges, le festival, et donc le 9 novembre, Zénith de Paris, mais je suppose qu'il y aura encore plein d'autres dates qui vont s'ajouter pour aller voir Caris près de chez vous. Ouais. On se connaît déjà, de toute façon, dans certains coins, on s'est déjà vu. Ouais. Bah oui, t'as été tourné un petit peu. Et tu vas bientôt être tourné. Exact. Par téléphone, on est avec Yanis F2Z de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi Fred? Et toi? Ouais, ça va tranquillement. Bien quoi, ça va quoi? Ça va mon poteau. Ça va tranquille quoi? Si, si. Est-ce que tu attendais cette lourd, l'album? Voilà, j'allais te demander. Merci. Yanis, voilà, je sais que c'est un gros fan de rap français. Exactement. Alors Yanis, t'as écouté? Ah bah bien sûr, mais c'est tombé, c'est un attentat frère. Tu l'as saigné ou quoi? Hein? Tu l'as saigné ou quoi? Laisse tomber, je veux pour parler frère. C'est trop bien propre. Voilà, t'as fait les choses bien, c'est bien. Si, merci. C'est quoi ton son préféré? Mon son préféré, c'est Le Bruit de mon âme. Le Bruit de mon âme, c'est déclaré, ça. Ouais, Cimer, frérot, Cimer. Bien propre. Et ben, il y en a plein d'autres aussi que tu vas pouvoir te remettre en permanence parce que t'as l'album. Bah oui. Et on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, c'est parti. Vas-y, défonce tout, poteau. Vas-y, ma gueule. Ah, ok. Yannis F2Z, Rizka, Thérapie, brah. Ah, ok. Check, ça fait 1-1. Mon temps est arrivé, fini trop pillé. J'ai vu, j'ai vaincu, je suis venu tout piller. Je me retrouve à terre, souvent fini sous plancher. Pas de mauvaises nouvelles, ma soeur, mon banquier. J'écoute tes rappeurs, sont déjà dans le fossé. Sans sur les chiffres, ont des ennemis que j'ai froissés. On dit que t'es bonne, c'est que t'es juste démaquillé. Fais pas la sainte, on t'a vu déshabillé. Je baisse, la game, tu parles dans la tête. Ce qui prêche, prête pas d'attention. Chez moi, l'élève ne pètera pas le maître. Tu recevras un diplôme sans mention. J'pas plus, j'agis, je te donne ta leçon. Tous ces PD parlaient sur moi, là c'est pas aujourd'hui. Ils ont presque tous marre du lameçon. Je vais vous envoyer des dingueries. Je suis sombre, ça ne reflète que quand je suis aigri. Je dors plus la nuit, je pense à quand j'aurais percé. Le sang coule, c'est des larmes qui seront déversées. Pendant que tu brasses tout, personne ne t'écoute. Je m'en rappelle des condés qui étaient sur mes gouttes. Écoute le son, écarte les seufs, prêt à t'enculer. Ta femme sera veuve. Brah. Yanis à l'instant. Yanis, qui est de fou, poteau. Ah, merci, c'est gentil, bien vu. C'est ce que je crois. De tous les mecs que j'ai entendu kicker, tu sais, comme ça, je crois que c'est toi qui as le kické le plus là, je crois. Mais non. Ouais, juste un peu à la fin, je crois, t'étais plus trop dans le temps. J'allais dire ça, décalé. À la fin de l'instant, t'étais décalé, donc c'est pas évident. Non, hein. Mais frais, c'était pas facile, mais franchement, frais ce que t'as fait. Très très lourd, voilà, merci. Très lourd. T'as tout niqué. T'as une page Facebook ou quelque chose ou quoi? Ouais, vas-y, balance. Ouais, j'ai fait mon Facebook, c'est Yanis de l'ombre. La page officielle, c'est Yanis F2L. Le Twitter, Instagram et Snap, c'est Yanis F2L aussi. Yanis F2L. En force, mon pote. Ah, c'est gentil, voilà, t'as un bon charisme, voilà. Très très fort. Force à toi. Merci. Et toi, t'as pas un projet, Yanis, bientôt qui sort? Si, bah, ça y est, j'ai fait de la promo déjà le 12 juin. La première mixtape, elle sort. On a travaillé dur dessus, tu vois. Il y a des lourds morceaux. Tu me dis quoi, Caris? Ça s'appelle comment? Funeste. Funeste. Ça, ça t'inspire, Funeste, hein, ouais, c'est breton. Tu connais, l'autre Funeste. Très très bon. T'es là aussi. Et bah, merci à toi, en tout cas, Yanis. Tiens, tu vas aller voir jeudi, t'es libre pour aller voir Caris ou pas? Bien sûr, je suis là. Et bah, Trabendo, allez hop, deux places. Il nous en reste une dizaine, donc allez hop. On file à... Viens avec un t-shirt Yanis, comme ça je vais te reconnaître. Vas-y, ça va, il y aura trop de monde, frère. Allez. T'es fou, tu vas jamais me reconnaître. Trabendo, c'est plutôt sympa comme ça là. Ouais, c'est ça, là, c'est intime. Ouais, c'est cool. C'est une salle intime, ouais. Pour faire découvrir l'album, etc. Tu vois. Et bah, c'est pour toi, t'as deux places, Yanis. Viens avec un drapeau marqué Yanis F2L. Ah, t'inquiète, de toute façon, tous les temps, je t'enverrai un message, Caris, quand j'y serai. Vas-y. Un étendard. A bientôt, Yanis. Ciao, passe une bonne soirée. Est-ce que tu es prêt, Caris, maintenant pour le live? Ouais, toujours prêt. Toujours prêt. C'est parti en live. Super, mon pote. Dans Planète Rap maintenant. Caris en live. Auto. Quoi? Rap. 2-7-0, poteau. Ra, ra, ra, ra. 2-7. 2-7. Se prend. Je finirai assis sur le trône avec une couronne mortuaire. Faire entrer des tonnes complices avec les autorités portuaires. J'ai beaucoup trop souffert.

ceux qui ne suivent pas restent dans leur coin. Zone pour saturer à l'heure de pointe. Évite de trop tirer sur mon joint. Tu peux te faire mêler comme Interpoint. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Me parle pas d'amour, c'est du bidon. Je préfère me faire piquer par un scorpion que par ce fils de putain de Cupidon. Là peut-être mes deux temps, je pense à l'avenir. T'es en train de te lébran, tu sens que ça va venir. Vision nocturne, phare directionnel. Je suis dans la cuisine au four traditionnel. Je suis dans le bolide, je vais débouler. Vent, grêle, puis j'ai boulé. Toujours hardcore, même après des saoulés. Je crache dans le gâteau, fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme plus ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne chante plus. De 7 et de R au gang. La chaleur du Big Bang. Cocaïne et crack dans mon traîneau. J'suis dans le V12 frérot. 2-7, 2-7, 2-7. Allô. C'est qui le patron? Lourd. Carus. Carus. Carus. Sevran. Gros live à l'instant dans Planète Rap entre 20 et 21. Ouais, on peut faire du bruit pour Caris à l'instant en live dans l'émission entre 20h et 21h. Le Planète Rap toute la semaine et l'album Le Bruit de mon âme. Ouais, sens bien. Je suis bien. Là t'es bien. Je suis bien. À l'instant. J'aime bien. On voit la sauce. C'est en bon. Live. Les lives, on pourra les retrouver sur le Skyrock FM au moment où tu nous mettras ça tout à l'heure. Sur le planetrap.skyrock.com également pour retrouver tout ce qui se passe dans l'émission dans Planète Rap entre 20 et 21. Merci à vous pour cette première soirée. Merci à toi. Merci. Le bruit de mon âme dans les bacs. Ça y est, chaud. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Grosse dédicace à Wormsty, à son clip qui sort aussi ce soir, tu vois. Je voulais dire. Grosse dédicace à Mikey, voilà. Mon gars Mike Mozart, il est pas là, mais il est avec nous comme jamais. Belaïd. Solo le mythe qui est pas là. Et puis on va pouvoir continuer aussi à parler évidemment de cet album tous les soirs de la semaine, Le Bruit de mon âme. Je rappelle que l'album est sorti en digital aujourd'hui, qu'il est numéro 1, qu'il est aussi en support physique, hein, ceux qui aiment bien le CD. Toi t'es plus objet aussi, hein, pareil. Ouais, j'aime bien les objets moi. T'aimes bien l'objet donc. Ouais, j'aime bien les objets. Elles aiment bien les objets aussi. le CD est dans les bacs. Pourquoi tu rigoles toi? C'est vrai ce que je viens de dire ou quoi? Il y a une meuf derrière toi avec un chapeau, elle a fait. J'aime bien les objets. Contendant de préférence. Et qui a la box, le coffret collector avec le t-shirt en édition limitée? Ouais, en édition limitée, ouais. Ouais. D'ailleurs, un petit mot sur la marque de fringues, parce que je vois des t-shirts partout là dans le studio. BTTF. BTTF, on peut la c'est trouver. C'est la marque créée par Thérapie, tu peux la trouver sur bttshop.com. Voilà, donc. Ouais, exactement. Moi, je suis l'égérie de la marque, tu vois. Et il y a aussi au quartier aussi la marque Touki Pay. Attention, elle est en train d'arriver aussi. C'est la marque de mon gars Touki. Et 2-7-0 pour toi. Voilà, bah, l'important c'est qu'il y a plein de choses qui se passent dans les quartiers. Il y a plein de forces en tout cas. On fait plein de choses. On a fait un autre gros truc aussi à Rougemont et je t'expliquerai après. Très bien. C'est autre chose encore. Donc Rougemont, c'est ton quartier, hein, c'est chez toi. Exactement. Hein. RGT. On en parlera dans la semaine. Exact. Très bien. Entre 20h et 21h, il est grand temps de faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ton casque Power Beat 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Salut Inès. Allô. Ça va bien Inès du côté de Lille? Ça va et toi? Ouais, je te présente Caris. Ouais, Caris. Bien ou quoi Inès? Ça va et toi? Ouais, t'as une voix de ouf. Ah merci, je suis trop contente. C'est vrai? Inès, dis donc, tu vas charmer Caris, Inès. Non, je rigole. On va voir si. Fais ta roue et gagne. On va voir si tu es toujours aussi charmante après un gros stop que tu vas nous faire maintenant, Inès. C'est d'accord. Parti. Allez, quand tu veux. La roulette est lancée. Et la roulette va s'arrêter pour toi sur la case. Oh ouais, j'ai flippé, frère. C'était l'exorciste version longue. C'est ça, en fait. Inès. Oui. Et bah pour toi l'album de Sam Smith c'est 50 euros en bon d'achat qui arrive à la maison du côté de Lille, c'est pour toi. Merci, je suis trop contente. Et bah de rien. Bien joué Inès. Merci, c'est gentil. Eh Kairis, ouais. J'adore ce que tu fais. Kairis. C'est mon nouveau zebra. C'est pas mal, Kairis. C'est plus Pablito, c'est ça. C'est ça en fait. Big up à la Côte d'Ivoire. Ah Inès. Je suis corda avec ce que tu viens de dire. Ouais. Inès, t'as des origines aussi ivoiriennes? Et au Maroc, non, au Maroc aussi. Ah, Maroc, ouais, bon, elle est partout. Voilà. C'est bien, elle est universelle, oui, très bien. La France, ouais. Tout ça, big up. La Palestine. Et la Palestine ouais, derrière. Voilà, la Palestine, voilà, y a tout ça. Et bah, voilà. Bisous, big up à tout le monde. Bisous à tout le monde. Merci, bisous. Et on te souhaite une bonne soirée, Inès. Et je sais pas qui était derrière, mais en tout cas, pareil, bisous aussi derrière. Merci, Caris, pour cette première soirée. Merci à toi, Fredo. Demain, un petit peu avant 20h, tu seras là avec Thérapie, avec toute l'équipe, entre 20h et 21h. Et l'album qui est sorti aujourd'hui, Le bruit de mon âme, on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là aussi. Eh ouais, salut Fredo, salut Karis. Salut D-Fool, comment ça va? Eh ben ça va bien, l'album, ça y est, c'est plaisir de revenir ici. C'est numéro 1 déjà. T'aimes bien les grosses voix, toi? Ouais, j'aime bien les grosses voix. T'aimes trop ça. Et pas que les grosses voix à la maison, Romano. Ah, mais vous êtes con. La classe. Ouais, tu m'étonnes, quelle classe. Ah, Karis, ça y est, l'album est sorti, ça y est, il est dans les bacs, ça y est, il est numéro 1, ça y est, il est dans Planet Rap. Eh ouais. Ah bah bravo. J'aime bien le nouveau son qu'on a rentré, j'aime bien Le bruit de mon âme. Mais j'aime bien le nouveau, c'est quoi? Futur. Futur, Cristal. Cristal, voilà, ça fait plaisir. Déchire pour ça. D'ailleurs, peut-être que Romano pourrait prendre la place de Futur. Oui, oui. Voilà, ouais, bah évidemment. Et du lourd, son ton album. C'est qu'on a pensé à lui de fou. Ah ben. Mais j'aime mettre Cédric et tout. Mais j'étais trop cher. Faut mettre du lourd sur ton album. Mais Romano, lourd. Ah ouais, 60 kilos bouillés. C'était quand même une bonne idée, Futur, je pense. Ah, ouais, je pense que c'était une meilleure idée. Ouais, c'est clair. C'était une très bonne idée. Futur rappeur américain. Ouais, exact. Exact, on précise pour ceux qui ne connaîtraient pas. En tout cas, vous allez tout savoir dans la semaine, dans Planète Rap, 20h-21h. C'est toute la semaine qu'il est là, carré. Si vous avez loupé le premier, c'est pas bien. Mais bon, demain, ça recommence. Comme le dit Jennifer là, sur SMS des Bouches-du-Rhône, ça recommence. Et il y en a qui aiment bien Cristal, comme moi. Ouais. On se le mettra, tiens, tout à l'heure, avant minuit. Bonne idée. Le son de Karis. On va se faire un petit plaisir ce soir avec un extrait de ton album, Karis, dans les bacs, donc. Merci pour tout. Merci. Dans les bacs, ça on fait tourner, nous, on fait tout tourner. Ouais, tu nous connais, Karis. Avec nous, ça tourne. Des filous. Un peu. Et tiens, je sais pas si ça va te faire plaisir. T'aimes bien Oti Genesis? Ouais, j'aime bien. Bah moi aussi. Oti Genesis, on va démarrer avec, tiens, pour se faire plaisir. Bonne transition avec Planet Rap. Du lourd en rap français, l'album de Karis. Et puis du lourd avec Oti Genesis. On avait eu au téléphone Oti Genesis. Ouais. Ouais. Il est sympa comme tout, ce Oti Genesis. Il nous a dit qu'il aimait bien les coconuts. Oui, en fait, il aimait bien la noix de coco, hein, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Mais c'est ça. Pour lui, hein, parce que c'est pas clair tout ça. Quand tu vois le clip, c'est pas très clair. C'est pas remarqué, rien hein. Moi, hein. Ouais, j'ai remarqué, mais je crois qu'il avait peur. With the coconuts. Ouais, c'est ça. On lui avait demandé quand on l'avait eu au téléphone. Bien sûr. L'ami Oti Genesis. Allez, Oti Genesis pour démarrer. Radio Libre jusqu'à minuit, c'est parti au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. Puis n'oubliez pas, demain, 20h, Karis sur Skyrock dans Planète Rap avec toi, Fred. Yes. Et ben, on vous salue. Salut Karis. Ciao, à demain. Ciao à tous, à demain. À demain, Karis. Et à tout de suite, tout le monde. C'est parti, Radio Libre en direct.